Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Petite bombe hier à Ville-Saguenay, les élites de Jonquière ont annoncé que Steve Thériault, qui était leur instructeur depuis 2014, ainsi que la direction, ont décidé d'un commun accord de prendre des directions opposées. Steve Thériault était à la barre de l'équipe depuis 2014. Et sous la gouverne, ben, les élites ont remporté leur premier championnat depuis, en 2015, depuis la saison 95-96. Et également, ben, Steve Thériault était directeur de la structure intégrée des élites de Jonquière. Dans un communiqué, ben Michel Simard a mentionné qu'il devrait parler au cours des prochains jours des raisons qui ont poussé ce divorce entre Steve Thériault et les élites de Ville-Saguenay. Puisqu'il est question du hockey au Saguenay, dans une entrevue qui a été diffusée sur les ondes de CKJ à l'émission Dans le vestiaire animée par Michel Tifo et Dominique Bolduc, le propriétaire Éric Claveau des Marquis de Jonquière a expliqué la décision de vendre son équipe. Et selon Éric Claveau, ben c'était tout simplement une question qu'on voulait avoir un changement de philosophie et on voulait passer à autre chose chez les Marquis. Le tour aussi, je veux faire d'autres choses un petit peu. Je pense aussi que l'avenue de nouvelles personnes d'affaires ou d'autres serait pas mauvais pour les Marquis. Puis c'est quelque chose qu'on observe dans les autres villes. Je pense à Saint-Georges-Chon 6, à Thetford 4 ou 5, la même chose à peu près à Rivière-du-Loup, la même chose pour les pétroliers aussi. Ça fait que je pense que c'est quelque chose qui amènerait un atout supplémentaire pour l'organisation des Marquis d'avoir un réseau encore plus grand de contacts, soit pour de la publicité ou même pour de l'aide, pour différentes choses. Je pense que ça serait bien vu pour l'organisation. Éric Claveau mentionne dans un deuxième temps qu'il pourrait rester comme actionnaire minoritaire de l'équipe. Ouais, ça, vraiment dommage que cette belle histoire-là s'arrête subitement comme ça. Puis la ville est enclin à donner le même soutien, les mêmes efforts. Tout le monde va encore dans la même direction. C'est plus moi qui veut peut-être faire d'autres choses un peu, mais c'est sûr que vous me verrez au match encore. C'est sûr que s'il faut que je sois encore là pour une année de transition, j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais faut. Si je l'avais déjà annoncé l'année dernière un peu, que j'aurais aimé déjà l'année dernière, puis là, on est rendu à cette année, puis ça n'a pas comme plus avancé un peu. C'est sûr que il y a peut-être de moins là-dedans aussi. Dans le troisième temps, ben Éric Claveau mentionne qu'il a discuté avec une personne qui a quand même été assez proche des Marquis de Jonquière. Je laissais un petit peu aller justement le quotidien ce matin, vous cet après-midi, pour voir un peu. Mais je vous cache pas, j'ai quand même eu déjà un mail. C'est quelqu'un qui a été près de l'organisation v'là quelques années, même très, très, très, très près de l'organisation. C'est juste que je voudrais peut-être taire son nom un peu pour le moment. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est intéressé. Je ne penserais pas seul, mais c'est quelqu'un qui a déjà été très près, puis qui pourrait aider l'organisation, puis qui a déjà une partie de bagage là, acquis. Ça fait que c'est sûrement pas mauvais. Je lui ai répondu par mail que c'est sûr que je lui parlais prochainement, c'est sûr et certain. Parlons maintenant du côté des championnats régionaux d'athlétisme qui se déroulaient du côté de Ville-Saguenay et du côté d'Arvida, en fait. Et il y avait 350 élèves de la région qui ont participé à ces championnats régionaux. Faites à noter qu'il y avait quand même plusieurs épreuves. Entre autres, il y avait les épreuves de sprint, de saut et de lancer. Et ça a bien été pour l'école secondaire des Chutes de Beaumont-Sisney qui a pris la deuxième position lors de ces championnats régionaux qui se déroulaient à Ville-Saguenay. Parlons de golf maintenant. Du côté du club de golf de Beaumont-Sisney, les activités sont ouvertes et le capitaine du club, Steven Marceau, sur les ondes de danazosport.com, a mentionné que ça allait quand même assez bien, l'achalandage, depuis le début de la saison. Pour l'instant, l'achalandage est très bon. On a une très bonne achalandage. On a mis beaucoup d'emphase sur le Facebook. Donc, les gens ont commencé beaucoup à venir frapper des balles. C'est sûr que c'est un début de saison. C'est long avec la température ouais. soit bonne, mais on est capable d'avoir un peu d'achalandage. On a eu des bonnes journées la semaine passée. Il a fait beau cette semaine. Regarde aujourd'hui, là, c'est une bonne journée. Il a fait beau. Mais c'est la température qui va. On s'attend à quelques nouveaux membres au club de golf de Boom-Sissi cette année. Les anciens membres sont toujours là. Il y a plusieurs, je pense que jusqu'à date, on avait 12 à 15 nouveaux qui voulaient rentrer. OK, c'est bon ça. Avec la promotion, la plus grosse promotion, c'est quand ça fait 10 ans que tu n'as pas été membre, tu reviens au club, c'est juste 375$ pour rentrer membre. Fait que les gens peuvent s'adapter à ce prix-là. Sébastien Marceau parle des nouveautés au club de golf. Les plus grosses nouveautés qu'on va avoir, c'est pour les seniors 65 ans et plus. Je vais avoir cette année des nouveaux jalons pour eux autres. Okay. Ils joueront pas, parce que l'année passée, ils jouaient beaucoup sur ceux-là des femmes, les jalons rouges. Cette année, je leur fais des propres jalons pour eux autres. Puis j'ai la plus grosse nouveauté qu'on a qui s'imprime aussi, on va avoir un chambre de club conjoint. Ah, OK. On va faire, la première journée va être à Saint-Prime, la deuxième journée va être à Dolbeau. Ouais, mais ça on va se avoir faisait, un ça? Champion, on va avoir un champion de Dolbeau, un champion de Saint-Prime et un champion. Et donc, écoutez la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Joe Hardy qui nous parle évidemment de l'actualité dans la Ligue nationale. Charles Dubé-Bray vient nous parler de la série entre les Raptors de Toronto et également la formation des Bucks de Milwaukee. Cinquième match ce soir à Milwaukee. Également, on a parlé aussi avec du côté de d'autres intervenants, entre autres Steven Marceau du club de golf de Boom-Sissonnie et Michel Tifoy et Dominique Bolduc. On parlait avec le propriétaire des Marquis, Éric Claveau, qui explique la vente du club. Sport local et régional à DanRadioSport.com.